Bosco, Ndoui Man. Bonsoir à vous tous et merci d'être avec nous dans cette dernière édition du Journal Parlé en français pour ce 14 septembre 2017. Et en voici tout de suite les grandes articulations. Les avis sont partagés sur la prolongation de la commission chargée de proposer les articles amendés dans la constitution burundaise, alors que le président du parti Sawanya, le secrétaire général du parti Sawanya, Frode Bunyakuri, est favorable à ces décisions du président de la République. Le parti MRC, lui, à travers la voix de son président, demande à ce dernier de surseoir aux travaux de cette commission, estimant que même sa mise en place était inopportune. Et le président de l'ELUCOM, l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques au Burundi, estime que la décision du président de la Cour suprême du Kenya de refuser de retirer une somme de 5 millions de dollars qui avait été déposée sur son compte à son insu est un acte de bravoure qui pourrait inspirer les autorités burundaises. C'est le juge David Maraga qui justifie qu'il ne connaissait pas l'origine de cet argent, estimant qu'il s'agit d'une corruption flagrante pour le faire changer d'avis sur la validité de la récente élection présidentielle dans son pays. Et presque toutes les collines de la commune de Marangara en province Ngozi regorgent de minerais de coltan, une manne pour la population de cette province, à commencer par l'administrateur communal qui y voit une opportunité pour le développement de son entité administrative. Et dans le reportage du jour, nous irons à Rukecho, c'est en commune Wusiga de la province Ngozi, précisément sur la colline Kigoufi. Là-bas, on y extrait du calcaire. C'est un reportage de la fin de ce journal. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Rebonsoir, le parti Sawanya Frode Bunyakuri a favorablement accueilli la prolongation du mandat de la commission d'amendement de la Constitution. David Nyonchungu, secrétaire général de ce parti, fait savoir que c'est une occasion pour eux de donner leur contribution afin de compléter les propositions pour avoir une constitution consensuelle. Suivez-le au micro de Joseph Sabiyabandi. Nous, dans le parti Sawanya Frode Bunyakuri, nous disons vraiment que c'est une bonne chose parce que nous avons crié haut et fort disant que nous n'avons pas été consultés par cette commission. Mais aujourd'hui, nous voyons avec le prolongement de 2 mois, pensons que la commission va nous entendre pour que nous puissions quand même donner notre contribution afin qu'il y ait une constitution consensuelle. Et nous avons entendu aussi que la CNDI a donné le rapport au chef de l'État. Dans le parti Sawanya Frode Bunyakuri, nous n'avons pas encore lu le rapport de la CNDI, mais nous allons contribuer, nous allons compléter pour les propositions de la population. Le parti Sawanya Frode Bunyakuri semble demander d'être consulté pour la deuxième fois parce que le ministère de l'Intérieur dit que vous avez été consulté à travers les résolutions que vous avez signées. Et oui, le ministère de l'Intérieur a organisé beaucoup d'envers les politiciens. On a signé une résolution à Gitega, on a signé une autre résolution au Sources du Nil, mais les résolutions que nous avons signé. C'est la poursuite pour les élections de 2020. Vous connaissez qu'avant les élections de 2015, il y avait beaucoup de malentendus ici et là pour la préparation des élections de 2015. Mais maintenant, c'est encore très tôt pour s'asseoir l'ensemble des politiciens pour qu'ils puissent quand même discuter à propos des prochaines échéances électorales de 2020. Les résolutions que nous avons signées, c'est pour qu'ils nous mènent vers les prochaines échéances de 2020. Mais aujourd'hui, c'est la question de la Constitution. C'est une question politique et que les partis politiques qui doivent contribuer. Et nous attendons la commission qu'ils puissent nous appeler afin que nous puissions donner nos propositions qui vont être mises à la nouvelle constitution. Et le parti MRC Rurenzangemero sur ce sujet appelle le gouvernement burundais à sursoir aux travaux de la commission chargée d'amender la constitution au lieu de prolonger son mandat. Selon le professeur Juvenal Ngorwanobusa, président de ce parti, la question ne réside pas dans ce prolongement, plutôt dans l'opportunité de sa mise en place. Au niveau du MRC Nzangemero, la question qui se pose n'est pas dans la prolongation du mandat de cette commission, mais l'opportunité même de cette commission. Et nous avons toujours dit au sein de notre parti que la constitution est une chose trop importante pour la confier à une seule famille politique, c'est-à-dire au sein de DFDD, et qu'il fallait qu'il y ait un consensus global de tous les partis politiques, des autres acteurs et de la société civile pour qu'on puisse amender cette constitution qui a été difficile à avoir, notamment à travers les accords d'Arusha. Et notre position, c'était justement d'éviter cette fuite en avant qui consiste à chambarder la Constitution sans qu'il y ait un consensus de tous les Burundais. On savait bien que ils allaient l'avoir, puisque dans l'acte de nomination de cette constitution, il était précisé qu'ils pouvaient avoir encore 2 mois supplémentaires. Et bien entendu, ça ne se refuse pas de la part de ses membres. Deuxièmement, ils n'avaient vraiment pas beaucoup de travail. On savait bien que c'était pour faire sauter le verrou des mandats, c'était pour changer les majorité dans le vote des lois. Au mois d'octobre, le facilitateur a annoncé un nouveau rendez-vous entre acteurs politiques. Pensez-vous que l'issue du dialogue d'octobre pourra être tenue en compte dans l'amendement de la Constitution selon vous? Si ce dialogue a lieu au mois d'octobre, tant mieux. Mais je pense que la communauté internationale est claire et sans équivoque en ce qui concerne notre Constitution. Que ce soit le président Mkapa, à l'occasion du briefing qu'il a fait au chef d'État de la région, il a clairement dit que, selon lui, il fallait sursoir à cet amendement de la Constitution, puisque c'est la lettre de l'accord d'Arusha qui en est l'esprit. Ça a été la même constatation de Kafando, l'envoyé spécial des Nations Unies. Il a été clair devant le Conseil de sécurité ce que devrait faire le Burundi pour apaiser les cœurs. Ce n'est pas de donner un mandat complémentaire à la Commission, mais de sursoir aux travaux de cette commission, car la commission, en son existence même, divise. C'était le professeur Dr Juvenal Ngorwa Nubusa, président du parti MRC Rurenzangemero, au micro de Mireille Kanyang. Et l'Assemblée nationale du Burundi vient de transmettre une correspondance au président du Conseil de sécurité des Nations Unies, lui informant de la mise en place d'une commission chargée de vérifier le contenu du rapport de la commission d'enquête sur le Burundi en matière des droits de l'homme. Et c'est le contenu d'un communiqué de presse lu ce jeudi par le porte-parole de l'Assemblée nationale, Alain Badian Ndayihimbaze. L'Assemblée nationale vient de transmettre une correspondance à son Excellence Monsieur le Président du Conseil de sécurité des Nations Unies pour lui informer de la mise en place de la dite commission. Cette commission spéciale a pour mission de vérifier le contenu du rapport de la commission d'enquête d'août 2017. Au cas où il y aurait des individus accusés de graves violations et des atteintes aux droits de l'homme, l'Assemblée nationale, en sa qualité de représentante élue et légitime du peuple burundais, seul détenteur de la souveraineté du pays, fera son rapport au gouvernement du Burundi pour que les auteurs présumés de ces actes identifiés soient punis conformément à la loi burundaise. Au cas contraire, l'Assemblée nationale recommandera au gouvernement de porter plainte auprès des cours et tribunaux compétents en matière contre les auteurs de ce qui sera alors avéré être un rapport mensonger et dommageable. Dans la suite de ce journal, le président de l'OLUCOM, l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques au Burundi, salue la décision du président de la Cour suprême du Kenya qui a refusé d'encaisser une somme de 5 millions de dollars américains qui avait été versée sur son compte à son insu. Le juge David Maraga justifie qu'il ne connaissait pas l'origine de cet argent, estimant qu'il s'agissait d'une corruption flagrante pour le faire changer d'avis sur la validité de la récente élection présidentielle dans son pays. C'est lui qui a décidé l'annulation du premier scrutin du 8 août au Kenya. Gabriel Rufthiri explique qu'il s'agit d'une décision qui pourrait servir d'exemple aux autorités burundaises. Suivez-le au téléphone avec Placide Niyomwongere. Avoir la première décision qu'il a prise et avoir cette deuxième décision de faire retourner cette somme colossale, je pense qu'il vient en fait d'écrire une chose qui va marquer l'histoire, et surtout au Kenya. C'est un acte de courage, c'est un acte d'un vaillant juge, mais cet acte repose sur des principes et des valeurs importantes que n'importe quel haut responsable de la République doit normalement avoir, parce que sans ces valeurs-là, on ne peut pas servir un peuple. Il est parmi les 4 personnalités depuis l'existence de l'Afrique qui vient de prendre de telles décisions. Voilà pourquoi Soka devrait au Burundi nous servir d'un exemple. Vous parlez que Soka pouvait servir d'exemple. Est-ce que c'est faisable au Burundi et qu'est-ce qui devrait être fait pour que ce juge serve d'un geste exemplatif? Je parlais tantôt des valeurs de Bushinganahe, des valeurs d'honnêteté. Donc, c'était vraiment des valeurs chères que tout responsable normalement devrait vraiment avoir. Mais ces valeurs-là, aujourd'hui, n'existent presque pas. Nous pensons que, quand même, on devrait prendre l'exemple de Soka qui est un cas exemplaire. Gabriel Rufyiri, président de l'OLUCOM, rappelons que la Cour suprême avait annulé vendredi, contre toute attente, le résultat du scrutin du 8 août, à l'issue duquel Kenyatta avait été proclamé vainqueur. La Cour a justifié cette décision inédite sur le continent africain en estimant que l'élection n'avait pas été conduite en accord avec la Constitution et que des illégalités et irrégularités en avaient affecté l'intégrité. La Commission électorale a décidé ce lundi que les Kenyans se rendront à nouveau aux urnes le 17 octobre pour choisir leur président entre le sortant Uhuru Kenyatta et l'opposant Raila Odinga. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Les parents d'élèves de la capitale Bujumbura qui ont passé le test national de la 6e année fondamentale en vue d'accéder à l'école d'excellence se lamentent qu'ils n'ont jamais vu de résultat. Ils dénoncent ce qu'ils qualifient d'opacité, expliquant que seuls les enfants qui ont été retenus pour entrer en 7e année d'excellence ont vu leurs noms et leurs écoles d'affectation affichées publiquement. L'un de ses parents, qui s'est exprimé au micro de la radio Isanganiro, demande que les choses soient remises en ordre. Il ne faut pas qu'il y ait opacité pour une école dite d'excellence, a-t-il martelé. Suivez-le. Nous avons vu paradoxalement afficher les listes d'orientation avec des individus, je dirais nommément désignés, avec une note minimale requise. Nous avons vu qu'il y en a qui ont obtenu 75%. Mais je me rappelle dimanche, quand moi je m'y suis rendu pour constater justement ces affichages, j'y ai rencontré pas mal d'élèves qui se lamentaient effectivement comme quoi il n'y a pas de note requise qui a été annoncée, mais aussi les copies n'ont pas été envoyées pour que les bénéficiaires puissent les consulter afin de réclamer éventuellement. Donc, vous voulez dire que seuls ceux qui ont été orientés ont vu les résultats? Effectivement, je crois que même ces derniers n'ont pas eu l'occasion de consulter leurs copies, puisque la note a été affichée avec des noms, mais également des écoles vers lesquelles ils ont été orientés. Est-ce que vous vous parlez avec d'autres parents ou élèves? Effectivement, c'est lamentation. C'est pour tous les parents. Ça veut dire quoi? Il y en a qui se sont dirigés vers les directions communales de l'enseignement pour demander effectivement si les copies ont été disponibilisées, mais la réponse a été négative. Alors, de la part des DCE qui disaient que les résultats n'ont pas été rendus publics. Ils se sont adressés aux directeurs communaux de l'enseignement pour demander justement si les copies ont été envoyées. Mais ils ont dit qu'ils n'en sont pas au courant. Et qu'est-ce que vous demandez de façon générale? Nous demandons au ministre, bien sûr, d'y mettre la lumière pour que, quand même, c'est une école d'excellence, comme déjà annoncé, pour que nous ne puissions pas évoluer vers une médiocrité. Voilà, c'était un parent d'élève qui s'exprimait au micro de Léonce Vitariho. La rédaction a cherché le porte-parole du ministère de l'Éducation pour réaction, mais sans succès. Certains compteurs d'électricité de la société Régie des Eaux dans le quartier Tcharama, en zone Kinama de la commune Hangwa, ne fonctionnent pas normalement. Les ménages victimes de ce dysfonctionnement pointent du doigt cette société, arguant qu'elle est au courant de leur situation, mais qu'elle n'a jusqu'ici rien fait alors qu'elle avait promis de changer ses compteurs. Thierry Mfayou Korira, stagiaire à la radio Isanganiro. Dans les ménages que nous avons visités, nous y avons trouvé des personnes avec des reçus comme ceux de Cash Power délivrés au guichet de la Régie des Eaux. Les mêmes personnes nous ont fait savoir que ces reçus sont des codes qui leur permettent de décoder leur compteur pour laisser repasser l'électricité après la panne. Oui, il y en a. Parce que chaque fois, nous mettons des codes dans notre compteur, mais dans une minute, l'électricité nous manque. Dans des autres parcelles, il y en a de l'électricité. Sous l'anonymat, celle-ci fait savoir que cette situation l'indispose, d'autant plus qu'elle doit dépenser, en plus de la facture de la Régie des Eaux, de l'argent pour acheter des bougies pour l'éclairage, pendant que leurs voisins ont du courant électrique. Nous demandons à la Régie des Eaux qu'elle nous change notre compteur afin que nous avions de l'électricité dans notre parcelle. Les ménages qui ont ce genre de problème regrettent que cette situation perdure alors qu'ils avaient saisi la Régie des Eaux, laquelle société avait promis de remplacer leur compteur, promesse jusqu'à ici non tenu. La foire agricole édition 2017 a débuté ce jeudi matin dans les enceintes du jardin public ici en mairie de Bujumbura. L'occasion pour le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage de déclarer que cela va aider beaucoup dans le secteur de l'agriculture cette année. Théogui de Rurema a indiqué que ce sera l'occasion de renforcer les relations entre les organisations des productions agricole. Presque toutes les collines de la commune de Marangara en province Ngozi regorgent de minerais de coltan. L'administrateur de cette commune considère cela comme un atout considérable pour le développement de sa commune dès l'année prochaine, début de l'extraction de ces minerais par une société russe. Correspondance d'Apollinaire Muzagara. Les travaux de prospection faits par la société russe Nega Holding Burundi Spiti ont montré que le sous-sol de bon nombre de collines de cette commune, à savoir Nyundwe, Makala, Kizenga, Renga, Bihangare, Kidasha et autres, est plein de colombo tantari. Selon ces travaux, ces minéraux font tache d'huile sur la commune Nega de la province Kirundo, frontalière à Marangara. L'administrateur de la commune Marangara, Emmanuel Nachosanze, parle de salut de Dieu à l'endroit de la population de ces deux communes, meurtries par la crise de 1988. L'administrateur reconnaît le renflouement des caisses communales par des taxes issues de l'extraction de ces minéraux. Les travaux embaucheront aussi une main-d'œuvre importante de la population de cette commune. L'administrateur de la commune Marangara parle d'autres atouts de développement comme des marais abritant de la tourbe ainsi que le barrage hydroélectrique d'Ondurumu. Tout cela induira, selon cette autorité, à la réalisation des grands travaux de développement communal. Donc aussi, Apone Muzagara, Radio Isanganiro. Et le parquet de Lomongue a violé la loi en s'opposant à l'élargissement d'un prévenu acquitté par le tribunal de grande instance de Lomongue. Maître Alexandre Nikumana, avocat de la défense, qui le dit, explique que le parquet ne devrait que faire respecter la loi. À la source, reportage. Dans ce reportage, nous allons sur la colline Kigoufi dans la zone Rukecho, en commune Busiga de la province Ngozi, où se pratique l'extraction du calcaire. C'est une matière à multiples usages. Il est notamment connu dans la fabrication du ciment. Les employés de la société Sotrec qui l'exploite à Rukecho se disent satisfaits du revenu tiré de ce travail. Et le chargé des travaux au sein de cette société, Marc Manirakiza, indique qu'ils avaient manqué le marché où écoulait cette matière, mais que ce problème a été réglé. Le chef de l'Office burundais pour la protection de l'environnement, Ngozi Melkia Denziga Masabo, dit que cette extraction suit les normes environnementales requises. C'est un reportage signé Oben Yonguru. Nous sommes sur la colline Kigoufi, dans la zone Rukecho, en commune Busiga de la province Ngozi, sur le site d'extraction du calcaire. Celui-ci est une roche de couleur grise. Le calcaire est utilisé dans la fabrication du ciment, des craies, mais aussi dans le mélange avec d'autres aliments pour constituer une alimentation de certains animaux domestiques. Zayomaze Etienne, un des agents de la société Sotrec, nous parle de la manière dont se fait cette extraction. On commence à enlever la terre superficielle pour arriver à la pierre. Et puis, on prend un marteau fort et on casse la pierre. Après, on prend le morceau et on le met sur la route. Apollinaire Abonimana est le chef du chantier au sein de la société Sotrec qui exploite ce calcaire. Il dit que leurs travaux ont d'abord fait objet d'expertise par le ministère de l'Environnement. Après cette extraction, il dit qu'ils doivent fermer les trous qu'ils creusent lors de l'extraction de ce calcaire. C'est un travail qui est suivi beaucoup par le ministre de l'Environnement. Il est venu avec les experts dans le domaine envoyé par son ministère pour nous montrer comment le faire. Les machines enlèvent la terre superficielle et après les travaux, on doit remettre la terre comme elle est auparavant. Parce que c'est la terre cultivable et c'est la façon de protéger l'environnement. Les manœuvres rencontrées sur place disent qu'ils tirent profit de leur travail. Ça nous est très important et nous sommes développés. Nous avons acheté des chèvres et nous avons eu les terres cultivables. Pour moi aussi, ce travail est très important. Pour le moment, c'est moi qui me procure mes habits, les habits des enfants ainsi que d'autres. Depuis quelques temps, ils avaient manqué le marché où écoulait cette matière. Le chargé des travaux dans l'organisation qui exploite le calcaire, Marc Manirakiza, confirme les faits. Mais il dit que ce défi vient de trouver une solution. Il est venu une société qui est capable d'extraire le calcaire et il a donné le travail à 300 personnes chômeurs. Vous avez vu qu'il y a un stock. Avant de le vendre, nous commençons à chercher ce calcaire. Le chef de l'Office burundais pour la protection de l'environnement en province Ngozi dit que cette exploitation a suivi les normes environnementales exigées. Pour Melquiade Nzigamasabo, l'extraction du calcaire à cet endroit produit plus d'effets positifs que négatifs. Dans le document d'études d'impact environnemental et social, on vise surtout la création de l'emploi. Lorsque un projet de type s'installe sur un site quelconque, et la commune concernée profite de l'occasion pour bénéficier des taxes. Et là, comprenez qu'il y a d'autres projets qui sont réalisés sur base de l'argent qui émane de ce projet. Il y a aussi une somme qui est payée à la BRB au compte du trésor public. L'extraction du calcaire dans la zone de Luketro est également bénéfique pour la commune Busiga, car elle fait entrer des finances dans le trésor communal. Pendant la période d'extraction, la société Sotrec peut aussi embaucher une centaine de travailleurs. Merci Aubin Nyongro pour ce reportage. Merci à vous tous, chers auditeurs, pour votre fidélité à nos rendez-vous d'information. Merci à François Akimana pour la mise en onde. Au micro, Jean Bosco Douimana. Nous souhaitons de passer une bonne soirée à l'écoute de nos programmes.